إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله نبدأ اليوم بعون الله وتوفيقه سلسلة جديدة من الخطب العلمية والوعظية وهذه السلسلة المباركة إن شاء الله هي بعنوان تصويبات النبي صلى الله عليه وسلم الهدف منها أن نقف سويا على كيفية تعامله مع الخطأ التي وقعت من بعض أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين من خلالها يتبين لنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصحح الخطأ بكل روية وهدوء وبكل سكينة وطمأنينة وبكل رجاحة عقل وحسن خلق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فلم يروى عنه أنه صوب أي خطأ بالصراخ أو بتحريك الأيدي في كل الجهات كما أنه لم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه عالج أي خطأ بكلام كثير أو بنصح طويل وإنما بكلام موجز مختصر فيه جوامع الحكمة وكان صلى الله عليه وسلم عندما يرى الخطأ أو يسمعه أو يخبر عنه فإنه لا ينبهر ولا يستغرب من الخطأ نفسه لأنه يعلم أن الإنسان بطبيعته التي خلق عليها يخطئ كما قال هو نفسه عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التواب والحديث الأول من هذه الرحلة الطويلة أيها الأكارم هو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة أي بعض القبائل من جهينة فأدركت رجلا فقال هذا الرجل لا إله إلا الله فطعنته برمحي فوقع في نفسي من ذلك تحرجت من ذلك الأمر فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته فقلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح وفي رواية قال يا رسول الله إنه كان متعوذا فقال صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا يعني أقالها صدقا أم قالها كذبا ومتعوذا وخوفا من السلاح فما زال يكررها علي حتى تمنيت إني أسلمت يومئذ وفي رواية قال أسامة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة شقر الإسلام nous entamons aujourd'hui une nouvelle série de sermons du vendredi consacré à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam et plus particulièrement à sa façon de corriger les erreurs de certains de ses compagnons. L'objectif de cette série de prêches, chers frères en islam, elle, c'est de nous arrêter ensemble sur la méthodologie prophétique dans la gestion et la correction des erreurs des gens. Pourquoi, chers frères? Parce que chacun d'entre nous, il fait des erreurs. Et aucun d'entre nous n'est infaillible. Le problème, ce n'est pas l'erreur, chers frères en islam. C'est la façon de comment on corrige nos erreurs. Et dans cette façon d'agir, il y a deux extrêmes. Il y a les laxistes et les extrémistes. Les laxistes qui, lorsqu'ils voient une erreur, lorsqu'ils voient quelque chose qui ne va pas, lorsqu'ils voient un péché ou une désobéissance, ils ferment les yeux, c'est comme s'il n'a rien vu. Ça, ce sont les laxistes. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on dise, ça ne les regarde pas, ils ne s'en occupent pas. Les extrémistes, à l'opposé, qu'est-ce qu'ils font? La moindre erreur, ils essayent de la corriger, mais qu'est-ce qu'ils font en essayant de la corriger? Ils aggravent cette erreur. Ils aggravent cette erreur. Pourquoi? Parce qu'ils n'utilisent pas la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au lieu de corriger l'erreur, ils l'aggravent. Wal'iyadu billah. Comme l'a dit un certain savant, lorsqu'il voit une mouche qui tombe sur un gâteau, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une pelle pour enlever la mouche. Il prend une pelle pour enlever la mouche. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne tue ni la mouche et il casse le gâteau. Subhanallah. Fala alaja shay'an. Wala sawwaba shay'an wala sahha shay'an. Bal dammara wa ahlaka kull shay'. Il a détruit tout ce qui se passe sur son passage et il a démoli le gâteau, il n'a pas tué la mouche. Subhanallah. Il y a des gens qui sont comme ça dans la Ummah. Ce sont des extrémistes, ma'al-asaf. Ils voient une petite erreur avec la matraque, ils essayent de l'enlever, ils cassent tout, miskin. Alors, la ifrat wa la tafrit. Comme vous le savez en islam, chers frères, il n'y a pas de laxisme et il n'y a pas d'extrémisme. Et nous, ce qu'on veut, ce n'est pas le laxisme ni l'extrémisme, c'est la méthodologie du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Li'annahu kana fil wasat fi kulli shay. Parce qu'il était dans le juste milieu, alayhi salatu wa sallam, wa khayrul hadi, hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et également parce que la meilleure des guidées, la meilleure des méthodologies, la meilleure de façon de corriger les erreurs, c'est pas la nôtre, ni la vôtre, c'est celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est dans notre intérêt, chers frères en islam, de nous intéresser à la façon dont corriger le prophète sallallahu alayhi wa sallam les erreurs de ses compagnons. Pourquoi? Parce que ça nous sera utile à nous. Si les erreurs, ils se sont trompés, nous aussi on va se tromper. Comment le prophète les a corrigés? Eh bien, c'est ce qu'on va voir à travers cette série de prêches avec la permission et l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, chers frères en islam, il n'a jamais été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il corrigeait les erreurs des gens en élevant la voix, en hurlant, en se mettant dans tous ses états, en gesticulant et en bougeant les bras dans tous les sens, ou en prononçant de longs discours ou avec des conseils interminables. On va voir à travers cette série, chers frères, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il corrigeait les erreurs des gens, comment il le faisait? Bilhudou, calmement le prophète alayhi salatu wassalam, bisakina, bihusnil khuluq, avec le bon comportement, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il agissait. Et c'est de ça dont on a besoin, chers frères. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans le messager d'Allah le meilleur des exemples. Le meilleur des exemples dans les ablutions, la prière et ainsi de suite. Oui, c'est bien ça. Walakin kayfa nusahihu khata. Comment est-ce qu'on corrige nos erreurs et celles des autres également? De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne se tenait pas de l'erreur elle-même ou de la personne qui la commettait. Parce que le prophète alayhi salatu wa sallam, il sait pertinemment que l'être humain, l'homme et la femme par nature, ils sont sujets à l'erreur. N'est-ce pas que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Tous les enfants d'Adam sont pécheurs. » Tous les enfants d'Adam sont pécheurs. Et les meilleurs d'entre eux, ce sont ceux qui ne cessent de revenir vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc se tromper, chers frères, c'est naturel. Ce qui n'est pas naturel, c'est de persister dans l'erreur. Ça, c'est pas bon, ça. Faire des erreurs, se tromper, glisser, tomber par terre, hada tabi'i, mon frère. Tu n'y échapperas pas, c'est ta nature, elle est comme ça. Allah t'a créé comme ça. Faire des erreurs, ça arrive. Se tromper, ça arrive. Désobéir à Allah, ça arrive. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de persister dans son erreur. Et de persister dans la désobéissance. Et de s'entêter, de patauger dans les péchés, wal'iyadu billah. C'est ça qui n'est pas normal. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné dans le Coran. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Oh Allah, oh notre Seigneur, ne nous saisis pas, ne nous châtie pas, ne nous punis pas s'il nous arrive d'oublier ou de nous tromper. Ou si on fait des péchés, oh Allah. Si on se trompe, si on agit par erreur, ne nous saisis pas. Vous voyez? Donc ça, c'est humain. Mais ce qui n'est pas humain, c'est de persister, de s'enfoncer dans l'erreur. Il faut se corriger. Il faut revenir vers Allah. Subhanahu wa ta'ala. Le premier hadith de cette longue série, chers frères en islam, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, selon Usama ibn Zayd. Il rapporte, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous envoya un jour en expédition. Au matin, au lever du jour, nous attaquâmes le clan des Huruqat de la tribu de Juhayna. J'attrapai un homme qui s'écria, nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Donc le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a envoyé un groupe de ses compagnons afin de combattre ce clan de cette tribu de Juhayna. Parmi les combattants, il y avait un homme qui s'est mis à fuir. Usama, il l'a rattrapé. Et alors que l'homme il était cerné de toutes parts, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la ilaha illallah. J'atteste que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. J'atteste et j'affirme et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, avant ça, c'était un polythéiste, un adorateur d'idoles. Qu'est-ce qu'il a fait, Usama? Il l'a transpercé avec sa lance. Il l'a tué, il a mis fin à ses jours. Subhanallah. Mais ça a semé en lui le doute. Il a dit, j'étais pas tranquille de cette façon d'agir, de ce que j'ai fait. Alors je suis allé trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai dit, voilà au messager d'Allah, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis tombé sur un combattant, un soldat face à moi, et quand il a vu qu'il était cerné, il ne pouvait pas m'échapper, il a dit, la ilaha illallah, malgré tout je l'ai tué, je l'ai transpercé de ma lance. Qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Écoutez bien, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a réagi à ce comportement? Il a dit, l'as-tu tué après qu'il a dit al-shahada? Est-ce qu'il a dit la ilaha illallah? Et toi malgré tout tu l'as tué? Qu'est-ce qu'il a dit Oussama pour prendre sa défense? Il s'est défendu Oussama. Il a dit, oh messager d'Allah, il n'a pas dit ça sincèrement. Il a dit ça khawfan min as-silah. Il a dit ça quand il a vu mon épée, quand il a vu ma lance, il a dit ça. Et il a dit ça pour se protéger, pour se prémunir, pour se mettre à l'abri. Alors qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? As-tu ouvert son cœur pour savoir s'il était sincère ou pas? Est-ce que tu as ouvert sa poitrine pour regarder dans son fort intérieur en lui-même? Est-ce qu'il était sincère ou est-ce qu'il était hypocrite? Est-ce qu'il était sincère? Est-ce qu'il était véridique ou est-ce qu'il était menteur? Alors Usama ibn Zayd radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de me répéter cette parole jusqu'au point où j'ai souhaité ne m'être converti à l'islam, n'être entré en islam que ce jour-là. Pour vous montrer la gravité de ce qu'il a fait Usama ibn Zayd radiallahu anhu. Et bien sûr, Usama ibn Zayd, il est pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est un éminent compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a agi, non pas de façon volontaire, mais il a agi après avoir fait un effort d'interprétation. عَمِلَ هَذَا أُسَامَ تَأْوِيلًا. Usama, il n'a pas fait exprès, ce n'était pas volontaire de son agissement de la sorte. Il a fait un effort d'interprétation, il a dit, celui-là en réalité, il cherche à me berner, il cherche à m'échapper, alors il dit, il en a pour se protéger. فَقَتَلَ. Usama ibn Zayd, عَمِلَ بِهَذَا تَأْوِيلًا. Il n'a pas fait exprès Usama ibn Zayd, radiallahu anhu. Mais malgré tout, il a fait une erreur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré la gravité de cette erreur. D'ailleurs, dans une autre version, qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ya Usama, qu'est-ce que tu vas faire de la ilaha illallah quand il viendra avec au jour de la résurrection cet homme? Parce que cet homme, il est mort comme ça. Il a dit la ilaha illallah, tu l'as tué, il est mort comme ça. Alors au jour de la résurrection, cet homme, il viendra avec la ilaha illallah. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, le témoignage de Tawhid. Comment tu vas faire? Ce sera quoi ton excuse devant Allah au jour de la résurrection? Qu'est-ce qu'il a dit Usama? Il a dit ya Rasulullah, istaghfirli. Ô messager d'Allah, implore le pardon d'Allah pour moi. Demande pardon pour moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de lui répéter. Kayfa tasna'u bi la ilaha illallah idha ja'at yawm al-qiyamah. Qu'est-ce que tu vas faire de la ilaha illallah lorsqu'elle va se présenter avec cet homme au jour de la résurrection? Subhanallah. Tout ça pour vous montrer, chers frères, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a blâmé Usama et qu'il ne l'a pas excusé. Bien sûr, il est excusé par Allah, il est pardonné par Allah. Parce que Usama ibn Zayd, c'est un éminent compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa fil jannah. Il est au paradis, il est promis au paradis, Usama. Mais malgré tout, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé passer cette erreur. Et il lui a montré la gravité de tuer quelqu'un qui prononce shahadat al-tawhid. Celui qui prononce le témoignage de l'unicité, huwa ma'soum, ad-dam, wal-mal, wal-ird. Celui qui prononce shahada, chers frères, eh bien il est préservé. Ses biens sont préservés, son honneur est préservé, et son sang et sa vie sont préservés également. وَلَا يَجُوزُ لَنَا أَن نَتَعَرَّضَ لَهُ. Et on n'a pas le droit de s'attaquer à lui, on n'a pas le droit de s'en prendre à lui, et on doit encore moins le tuer, وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. Tout ça pour vous montrer la sacralité de la vie en islam, chers frères, et qu'on ne joue pas avec la vie des gens. La vie des gens en général, il y en a qui vont me dire, oui, mais ça c'est pour le muslimin. Non, c'est pas que pour le muslimin, c'est pour غير المسلمين également aussi. Ça c'est également valable pour les non-musulmans, parce que la vie elle est sacrée en islam. Et on ne tue pas quelqu'un sans bon droit. عِيَادًا بِاللَّهِ مِنْ دَالِكَ. Donc nous voyons à travers ceci, à travers ce hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a blâmé Oussama et il lui a reproché d'avoir pris la vie d'un musulman. Pourtant, il avait des circonstances atténuantes. Il y avait un contexte, il y avait des choses qui jouaient en sa faveur, qui auraient pu faire croire, qui auraient pu laisser penser que cet homme n'était pas sincère. Mais à partir du moment où un homme ou une femme, elle prononce le témoignage de l'unicité, khalas. Hada baynahu wa bayna moulah, comme on dit. Son affaire est entre les mains d'Allah. Ça ne te regarde pas de savoir est-ce qu'il est sincère ou il n'est pas sincère. Parce que tu peux apprendre dans son cœur. Tu ne peux pas lire ce qu'il y a dans sa poitrine. Allah, wahdahu ya'lamu ma fi soudur. Le seul qui sait ce que renferment les poitrines et que ce que cachent les cœurs, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa fi sahih al-Bukhari, min hadith ibn Umar, ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Khalid ibn al-Walid ila bani Jadima, fada'ahum ila l'islam. فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا هم قالوا صبأنا صبأنا أي في معناهم أسلمنا أسلمنا يعني نحن مسلمون دخلنا في الإسلام فجعل خالد يقتل منهم ويأسر خالد ما فهم هذا الكلام صبأنا صبأنا ودفع إلى كل رجل منا أسيرا حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرا فقلت يعني ابن عمر فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحاب أسيرة حتى قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يدي إلى السماء وهو يقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد خالد بن الوليد اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد تعظيما لهذا الصنيع شقيق الإسلام. Le deuxième hadith, c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abdullah ibn Umar. Il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya Khalid ibn Walid radiyallahu anhu dans la tribu de Jadima afin de les inviter à l'islam. Les gens de Jadima, lorsque Khalid ibn Walid il est arrivé à eux, ils n'ont pas su dire aslamna aslamna. Ils n'ont pas su dire nous nous soumettons. C'est bon, on est musulman. On s'est converti à l'islam, Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit sabana, sabana. Et ce mot-là, sabana, sabana, en réalité, chez les Arabes, ça veut dire il est musulman. Il est rentré en islam. D'ailleurs, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un compagnon est rentré dans l'islam, on lui disait sabata, tu as changé ta religion, tu as délaissé l'adoration des idoles. Pour te consacrer uniquement à l'adoration d'Allah, on disait sabata, huwa sabi. On appelle comme ça, Wasabi. On ne dit pas muslim, on dit Wasabi. Ça, c'est comme ça que les Arabes ils parlaient. Alors, eux, la tribu de Jadima, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Saba'na, Saba'na. On est musulmans. Khalid ibn Walid, il n'a pas compris ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tués. Subhanallah. Il les a tués et certains d'autres, il les a fait prisonniers. Ensuite, le lendemain matin, Khalid ibn Walid, il a pris les prisonniers qui étaient encore en vie et il a dit aux compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notamment Ibn Omar et autres, il leur a dit il faut les tuer, ces gens, ce ne sont pas des musulmans. Abdullah ibn Umar a dit, moi je tue personne. Je ne tue personne. Ils sont convertis, ce sont des musulmans, subhanallah al-Azim. Ils sont comme nous, ils sont rentrés en islam. Sauf que Khalid ibn Walid n'a pas compris cette parole. Quand de retour auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois informé, qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Écoutez bien cette parole, chers frères. Il y a une leçon dans ça. Le messager d'Allah, il a levé ses mains au ciel. Il a dit, oh Allah, je suis innocent de ce qu'a fait Khalid ibn Walid. Je me désavoue de ce qu'a fait Khalid ibn Walid, parce qu'il a tué des innocents, il a tué des gens qui ne le méritaient pas. Et Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, bien sûr, lui aussi, il a pas fait exprès, il a agi par erreur. Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé cette erreur? Il n'a pas laissé passer cette erreur. Et il a montré la gravité du fait de tuer des innocents en islam, wal'iyadu billah. Et ce n'est pas marqué dans la version rapportée par al-Bukhari, mais dans notre version, comme l'a souligné al-Hafidh ibn Hajar. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a payé la rançon pour ces gens qui ont été tués injustement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a donné le prix du sang aux familles des défunts. Parce que Khalid ibn Walid, il n'avait pas à agir de la sorte. Khalid ibn Walid, il n'avait pas à tuer ces gens. Et bien le prophète, tahammal al-mas'ouliya, c'est lui qui a pris la responsabilité de donner le prix du sang, de donner la diya, de donner la rançon aux familles des défunts. Subhanallah. Et vous voulez, je vous dise une chose, chers frères. Ça, c'est pas seulement bayn al-muslimin, chers frères en islam, barakallahu fikoum. Ça, c'est même avec Ghaïr al-Muslimin. Vous savez que nous, musulmans, nous sommes la meilleure des communautés qui est surgie aux gens. Si un musulman, il tue un non-musulman involontairement, eh bien le gouverneur, ou alors l'État musulman, ou les musulmans, ce sont eux qui doivent payer la diya. Subhanallah. Non, mais je suis musulman, hada. C'est pas un musulman celui-là. C'est pas grave. Allah dans le Coran il a stipulé que ceux avec lesquels on a des engagements, celui qui est tué involontairement, accidentellement, par accident, on doit donner la diya à sa famille, cher frère. Eh oui, cher frère, hada dinuna. Ça c'est la religion d'Allah. Ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même un non-musulman, même un non-musulman. Parce que la diya elle est sacrée, cher frère, en islam. C'est pour ça que je m'étonne toujours d'entendre certains écervelés, certaines personnes qui n'ont rien dans le crâne, mola'iyadu billah, certains ignorants, qui vont tuer des gens ici et là, dans la rue et ainsi de suite, et ils disent au nom du prophète, « La ya akhi, la ya majnoun, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ya bara'u ilayka mimma sana't » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se désavoue de ce genre de comportement. Le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, il n'accepte pas ce genre de comportement, et on le voit bien à travers ce qu'a fait Khalid ibn Walid à travers ce hadith, أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله الذي من على المؤمنين بصلاح دينهم ودنياهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم متقلبهم ومثواهم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم الخلق وأعلامهم وأتقاهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أعلاهم وأدناهم. أما بعد أيها الإخوة، روى الإمام البخاري ومسلم عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاره في بيته قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له، نوع من الطعام في ذاك الزمان، فقال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيش أو مالك بن دخش؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، لا تقل ذلك. منعه الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا القول، ألم تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ فقال الرجل الله ورسوله أعلم، فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافق، يعني يختلط بالمنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Le troisième hadith d'aujourd'hui, chers frères, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Utban ibn Malik, qui est un éminent compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invita le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam chez lui pour régler une affaire. Après avoir réglé cette affaire, Utban ibn Malik, il a proposé un repas, il a invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam à manger al-khazira. C'est un plat qui est préparé avec de la viande et autres. Un groupe d'hommes qui se trouvait chez Utban, ils se mirent à parler et à évoquer le cas de Malik ibn Dukhshun. Malik ibn Dukhshun, c'est un éminent compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shahid Abadan, wa yakfihi dhalik. C'est un compagnon qui a participé à la bataille de Badr. Et ça lui suffit. Huwa Badri, radiallahu anhu. C'est l'un des meilleurs compagnons du prophète, alayhi salatu wa sallam. Même si peu de gens le connaissent, Allah il le connaît. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le connaît. Et il a participé à la bataille de Badr, il est au paradis, dans un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, pour y résider éternellement. Donc les gens, ils se sont mis à parler de Malik ibn Dukhshun. Ils ont dit, il est où ce Malik ibn Dukhshun? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Pourquoi est-ce qu'il ne fréquente pas les croyants? Alors il y en a un dans l'assise, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui-là, c'est un hypocrite. Il n'aime pas Allah et son messager. Subhanallah, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Allah? Il a acquiescé cette parole. Il s'est tué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est de la calomnie. C'est parler dans le dos de son frère. Qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Allah? Il lui a dit, ne dis pas ça. La taqul hada. Pourquoi? Pourquoi ne dis pas ça? Parce qu'il a dit « La ilaha illallah yabtari bidalika wajhallah » Parce que c'est un croyant qui a prononcé le témoignage de l'unicité d'Allah, qui a dit « Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah » en voulant uniquement obtenir le visage d'Allah. L'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Allah wa rasuluhu a'lam » Il n'était pas convaincu. Il a dit « Allah et son messager sont plus savants. » Nous, qu'est-ce qu'on voit de lui? On le voit, il fréquente les hypocrites. Il parle avec les hypocrites. Il fréquente les hypocrites. Il traîne avec les hypocrites. Qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, ne sais-tu pas que tout celui qui dit la ilaha illallah, que celui qui prononce l'attestation de foi, en ne voulant obtenir que, qu'à travers cela le visage d'Allah, Allah il épargnera du feu de l'enfer, Allah le sauvera du feu de l'enfer, Allah l'a interdit au feu de l'enfer. C'est pour ça, chers frères en islam, nous voyons une fois de plus ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a corrigé la mauvaise opinion que certaines personnes ils avaient de ce compagnon Malik ibn Durshun radiallahu anhu. Et il a recadré le tir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment? De la meilleure des manières, bikalamin qalil, avec peu de paroles, bref mais efficace, comme on dit en français. Peu de paroles mais qui sont comprises, alhamdulillah. Sans rentrer dans les détails, sans faire de longs discours, sans faire de longues nasiha, kalamun sarir, walakin kalamun qasir, wa kalamun mubarak. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc le messager d'Allah alayhi salatu wasallam, il n'a pas laissé les hommes qui étaient présents médire de ce compagnon, et il lui a rappelé que tout celui qui meurt sur le tawhid, tout celui qui meurt monothéiste et qui meurt sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, son refuge tôt ou tard c'est le paradis. Soit il ira se faire purifier en enfer pour certains péchés dont il ne s'est pas repenti, mais il finira au paradis. Soit il ira directement par la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. As'alallah jalla wa ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم إنه قوي عزيز. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، واصلح حكامنا وحكام المسلمين، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا ذا الجلال والاكرام، واغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربونا صغارا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم اجعلنا موحدين غير مشركين، متبعين غير مبتدعين، ميسرين غير معسرين، ومبشرين غير منفرين، يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.